je pleure déjà. À côté d'elle, agenouillée, je la dessine dans ma mémoire. Comme si j'y voulais m'en imprégner avant de prendre le départ. Je pose une fleur sur son lit, puis je griffonne sur un papier. Je t'aime encore, mais aujourd'hui l'amour se meurt avec la tige. Là, regarde encore une fois. C'est un adieu que l'amour se meurt avec l'été. Ingrat.